Ah, voici, je crois, tout ce que je cherchais réuni. Ah, John Bell, mon féal ami, il fait bon vivre chez vous, ce me semble, car j'y vois de vieilles figures qui aiment le bruit et le désordre plus que des raisons. Mais c'est de leur âge. Milord, votre seigneurie est trop bonne de me faire l'honneur de venir dans ma maison une seconde fois. Oui, par Dieu, Bell, mon ami, c'est la seconde fois que j'y viens. Ah, les jolis enfants que voilà! Oui, c'est la seconde fois, car la première, ce fut pour vous complimenter sur le bel établissement de vos manufactures. Et aujourd'hui, je trouve cette maison nouvelle plus belle que jamais. C'est votre petite femme qui est la ministre, c'est très bien. John Bell, n'avez-vous pas chez vous un jeune homme nommé Chatterton pour qui j'ai voulu venir moi-même? C'est moi, Milord, qui vous ai écrit. Ah, c'est vous, mon cher. Venez donc ici un peu. Que je vous vois en face. J'ai connu votre père, un digne homme s'il en fut, un pauvre soldat, mais qui avait bravement fait son chemin. Ah, c'est vous qui êtes Thomas Chatterton. Vous vous êtes amusé à faire des vers, mon petit ami. C'est bon pour une fois, mais il ne faut pas continuer. Il n'y a personne qui n'ait dû cette fantaisie. Hé, j'en ai fait comme vous dans mon printemps. Et jamais Littleton, Swift et Wilke n'ont écrit pour les belles dames des vers plus galants et plus badin que les miens. Je n'en doute pas, Milord. Mais je ne donnais aux muses que le temps perdu. Je savais bien ce qu'en dit Ben Jonson, que la plus belle muse du monde ne peut suffire à nourrir son homme, et qu'il faut avoir ces demoiselles-là pour maîtresse, mais jamais pour femme. Rien de plus vrai, je le vois aujourd'hui, Milord.